On est le lundi 30 novembre, on entame une nouvelle semaine ensemble, donc en parlant culture mais aussi technologie d'information, comme chaque lundi, puisque je retrouve Raymond Poirier pour sa chronique. Bonjour Raymond. Bonjour Jessica, et je pense qu'aujourd'hui on aurait pu rajouter l'acronyme santé. Oui, c'est vrai, mais on sait que tu pars toujours dans des domaines très divers et variés, et pour cause, aujourd'hui tu as couvert la deuxième journée scientifique de l'Alliance Santé Québec. Exactement. En fait, l'Alliance Santé Québec est une alliance des principaux acteurs, voire de l'ensemble des acteurs autour de la santé à Québec, principalement dans une perspective évidemment de recherche et d'innovation. Donc, des acteurs de l'entreprise, acteurs universitaires, les centres de soins, CUSSS, hôpitaux, etc., etc. Et tout ça dans l'objectif de créer une force vive qui va être peut-être un peu plus à même de mieux mettre en valeur, de mieux développer Québec et son potentiel d'innovation dans le domaine de la santé, dans l'optique où on dit ben la grande région, là, au sens large, autant la grande région de Québec que Chaudière-Appalaches pourrait devenir une vitrine d'innovation à caractère, oui, technologique, mais aussi à caractère organisationnel et autre, parce que l'innovation n'est pas que numérique, on s'entend. Et tout ça dans l'idée aussi de mobiliser et de mettre de l'avant le potentiel que la région a déjà, dans la mesure où on parle quand même, je pense au prorata en termes de population versus nombre de chercheurs. C'est la région où il y a le plus de chercheurs par habitant, si on peut dire, dans le domaine de la santé, presque au Canada. On parle quand même de 6 000 chercheurs qui travaillent là-dedans, beaucoup de centres de recherche reconnus internationalement. Donc, il y a quand même un beau potentiel. Et dans les innovations justement dont tu as entendu parler aujourd'hui, il y a une clinique mobile qui se met en place, qui est déjà en train de parcourir le Québec, si j'ai bien compris. Exactement, mais en fait, c'est l'après-midi, dans le fond, a été consacré à mettre en évidence, dans le fond, différentes innovations, différents processus qui ont déjà été entamés, peut-être un peu pour nous montrer une pointe de l'iceberg d'un côté et parallèlement dans l'optique aussi de mettre de l'avant des initiatives qui pourraient avoir force d'exemple. Et ben, notamment, il y a l'Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec qui, eux, comme tu disais, Jessica, ont fait une clinique mobile. Donc, j'ai trouvé ça absolument intéressant, là, vraiment intéressant comme proposition. Donc, l'idée, c'est qu'on a essentiellement un ou deux autobus qui vont être en mesure d'aller se rendre en entreprise pour offrir accès, dans le fond, aux employés à cette clinique mobile-là qui va étudier et analyser, vous offrir un bilan de santé au niveau de votre état cardiaque, de votre état au niveau des poumons et le reste, bon, en lien avec, évidemment, les spécialités de l'Institut. Donc, on rentre d'un côté, on remplit des questionnaires, des formulaires sur iPad pour avoir un peu un état des lieux de notre alimentation, de notre mode de vie. Et ensuite, ben on part à une deuxième étape où, là, on subit des examens, donc au niveau respiratoire, prise de sang et le reste. L'échantillon sanguin est envoyé à des robots qui font l'analyse en temps réel de manière extrêmement rapide. Donc, pendant que l'analyse se fait, nous, on part à une autre station où là, on a un test de l'effort, on court un nombre X de minutes pour analyser justement la réaction, notre réaction cardiaque à une situation d'effort donnée. Et ensuite, on arrive à une rencontre clinique où là, le praticien a accès à toute l'information cumulée, a accès aux résultats du test et nous offre un bilan, un état des lieux et avec recommandation ou non d'aller consulter des spécialistes, évidemment, en cours de route. C'est le grand défi entreprise, en fait. Donc, c'est un peu en collaboration avec le grand défi Pierre Lavoie, donc, où il y a des initiatives similaires, mais qui sont faites auprès des écoles. Et on s'est dit, évidemment, pour aller rejoindre des étudiants, des jeunes, c'est probablement le milieu où on peut en rejoindre le plus. Maintenant, si on veut rejoindre la population adulte en âge de travailler, on peut aller dans les milieux de travail, dans les milieux d'entreprise pour aller chercher ces gens-là. Et donc, c'est un projet pilote qui a été lancé il y a déjà à peu près 3 mois et qui s'est déplacé à la grandeur de la province. On nous disait, en plus d'avoir un résultat tangible sur la capacité qu'ont les gens, si on peut dire, à savoir leur état de santé, en parallèle, au niveau recherche, puisqu'il y a possibilité que ces données-là soient utilisées en recherche si, évidemment, les patients acceptent. Il y en a 80% qui disent oui. Alors, évidemment, ça peut générer aussi des résultats, des informations qui sont très intéressantes. Mm-hmm. Parce que on s'entend que, de manière générale, tout ça prédispose un peu d'une des grandes orientations de l'Alliance qui travaille dans le domaine de la santé durable. C'est l'idée que la santé doit placer en son cœur le citoyen, le patient. Et donc, tout doit être pensé en notion de l'expérience citoyen. Et donc, de plus en plus, il y a cette idée, soit à travers l'exemple qu'on vient de donner, de rapprocher la science, si on peut dire, des gens. Et parallèlement, il y a d'autres idées qui sont mises de l'avant dans l'optique de rapprocher aussi les organisations des gens. Donc, une espèce de grand changement culturel, comme disait d'ailleurs Michel C. Bergeron, qui est directeur du Centre de recherche en infectiologie. Ben, c'est, dans le fond, un changement culturel qui est proposé à l'intérieur, dans le fond, du milieu de la santé, de manière quand même assez large. Évidemment, ça représente aussi un bon défi pour le milieu de la santé. Mais changement culturel du fait que c'est la clinique mobile qui se déplace en entreprise, par exemple? Par exemple, ou autre exemple, évidemment, on parle beaucoup de l'implication des patients. Donc, dans l'optique où, si on veut, et ça, c'est d'ailleurs, en fait, quelque chose qui est revenu assez régulièrement. Donc, si on veut créer une innovation qui va être destinée à des patients, à des citoyens, évidemment, comme certains le disaient, ben, on est tous, à un moment ou à un autre, des citoyens usagers du système de santé, ben, faut placer ces gens-là comme point de départ de l'innovation. Donc, quels sont les besoins? Quelles sont les réalités? Quels sont les défis? Et ensuite, eh bien, faut solliciter aussi les gens qui interviennent auprès des citoyens, donc dans des situations bien réelles, bien tangibles, qui eux aussi ont des idées pour répondre à ces défis-là, pour amenuiser ces défis-là. Donc, une idée un peu d'innovation continue, si on peut dire. Et donc, l'idée, c'est que ça vienne de la base, ça vienne de l'expérience terrain, que ce soit l'expérience terrain qui oriente la manière dont on va développer. Je donne un exemple, un autre exemple tangible, c'est tiré un peu de l'après-midi, c'est du côté du CHU de Québec. En fait, il y avait un de leurs directeurs de service qui est venu nous présenter le travail qui est en cours actuellement pour développer le nouvel hôpital, le méga hôpital qu'on a vu annoncer dans le coin d'Henri Bourassa, donc l'idée de la fusion entre l'Hôtel-Dieu et l'Enfant Jésus. Mm-hmm. Évidemment, il y a les méthodes classiques par lesquelles on peut envisager les structures et le développement des structures. Mais lui disait, regardez, on voit actuellement beaucoup de rénovations, ça et là, dans les hôpitaux. Pourquoi? Parce que les structures d'hier ne sont plus adaptées aux réalités d'aujourd'hui. Aujourd'hui, l'hôpital doit être pensé pour le citoyen, doit pouvoir accompagner facilement le citoyen pour que son parcours soit logique à l'intérieur des services et qu'il n'ait pas nécessairement l'impression de sentir le poids d'une machine reposée sur lui, mais qu'il puisse simplement circuler aisément à l'intérieur de cette machine-là. Et je reviendrai d'ailleurs sur ce point-là, puisque c'est touché par d'autres personnes aussi. Je trouvais ça assez intéressant. Et eux se sont dit, ben regardez, on veut développer l'hôpital, on veut changer la manière dont on va proposer cette construction-là aux gens, aux usagers. Alors, ben pourquoi pas les impliquer au départ? Donc, avant même d'avoir des plans, ben ils ont pris donc les praticiens, donc les gens qui vont habiter ces lieux-là, les occuper, les animer, si on peut dire, offrir les services. Ils ont pris des gens qui vont utiliser les services qui vont être offerts avec des architectes, avec d'autres intervenants, des administrateurs et le reste. Et on fait un groupe de réflexion autour de ces éléments-là. Ensuite, il disait, ben regardez, on a fait une espèce de cartographie des services en fonction un peu d'espace, des éléments. On s'est rendu compte que ben les usagers circulaient beaucoup trop. Ça avait pas de logique un peu. Donc, c'était disposé de manière pratique, mais pas logique. Alors, des éléments comme ça qui changent un peu la manière de concevoir l'hôpital, avec une philosophie évidemment derrière qui est inspirée des approches qu'on appelle Lean, des approches qui sont mises en place en Europe, en Asie, en Amérique, qui ont été chercher des exemples là-bas évidemment, et tout ça bien, dans l'optique d'avoir un hôpital qui serait centré citoyen, donc une nouvelle manière d'envisager la construction. Et lui dire, regardez, ça marche assez bien que présentement, avec l'information qu'on a, avec la réflexion qui est entamée, si on pourrait presque dire qu'on est 2 ans en avance. À ce point-là, dans la mesure où une fois que les architectes vont partir avec ces éléments-là, ben il y a déjà beaucoup de questions pour lesquelles on a une réponse. Et l'idée, c'est pas justement de voir comment les structures peuvent s'adapter aux infrastructures, c'est de savoir comment les infrastructures peuvent s'adapter aux besoins. Mm-hmm. Au bout du compte, c'est un renversement de paramètres, là, si on peut dire. Et donc, on gagne du temps aussi hein, dans cette mise en place. On gagne du temps, on gagne en simplicité aussi de travail. En fait, c'est un exemple qui venait du CUSS, la capitale nationale, qui, eux, ben évidemment, contexte additionnel, je pense que j'apprends à personne le fait qu'il y a beaucoup de coupes, qu'il y a beaucoup de modifications au niveau des finances de notre province actuellement. Évidemment, le système de santé voit son lot de coupes être en train de se faire. Il y a un effort de rationalisation qui est demandé un peu toutes les unités. Alors, les intervenants aujourd'hui disaient, ben oui, en fait, c'est pas des moments qui sont nécessairement faciles, mais derrière cette crise-là, il peut y avoir une opportunité. Donc, on a un peu l'obligation d'innover. Il y a des nouvelles structures, des nouvelles superstructures, même dans certains cas, qui sont mises en place. Ben, on peut les définir aussi, ces structures-là. On peut en faire essentiellement ce qu'on veut. Et donc, au CUSS, la capitale nationale, d'un côté, ils se sont dit, ben, au niveau gestion, ça n'a pas de sens d'avoir des services transversaux, d'avoir des responsables de tel domaine, exemple des buanderies, d'avoir des responsables des commandes en général. Ça devenait trop complexe, pas nécessairement assez proche des unités. On a quand même, je pense, le CIUSS de la capitale nationale a 217 points de service dans la région, donc seulement pour la région de Québec. Je pense qu'il y en a à peu près 180 pour le CISS Chaudière-Appalaches. Donc, c'est quand même des grosses structures, là, on s'entend. Et donc, eux disaient, ben, on va mettre plutôt des responsables logistiques qui vont être responsables de l'ensemble des éléments en lien avec la logistique dans chacune, dans des regroupements d'unités. Donc, subitement, les gens vont se retrouver pas avec 217 points de service à gérer, mais dans un domaine transversal, mais plutôt avec quelques unités, mais avec une gestion plurisectorielle, si on peut dire. Mm-hmm. Et donc, en même temps, ça va favoriser et forcer la communication des différents services et le reste. Donc, toujours dans des efforts d'éviter un certain, je dirais pas gaspillage, mais un dédoublement, si on peut dire, à travers ça. Et parallèlement, bon, au niveau des soins aux enfants victimes d'abus, bien, ils ont décidé de créer une unité centralisée. Donc, dans l'optique où, comme je le disais tantôt, on veut pas que ce soit les gens qui subissent le poids de la direction, le poids de la variété des structures, mais plutôt qu'ils puissent cheminer dans les structures et que ce soit les intervenants ou les directeurs de services, mais qui aient justement à gérer, à comprendre et à survivre à ce poids-là, si on peut dire, pour éventuellement le bonifier. Alors, plusieurs initiatives comme ça, toujours avec l'idée de mettre le citoyen en plein cœur des éléments, en plein cœur de la manière dont on envisage, si on peut dire, la santé, toujours dans une perspective durable. Donc, quand même des exemples que je trouve assez inspirants, somme toute, là. Est-ce qu'il y a un site internet où on peut retrouver justement tous les sujets qui ont été abordés? J'imagine qu'il n'y a pas de compte rendu tout de suite, puisqu'évidemment, ça date d'aujourd'hui. Mais peut-être qu'on peut trouver des informations sur toutes ces innovations dont tu nous parles. Bien, en fait, évidemment, je pense que via l'Alliance Santé Québec elle-même, donc on peut chercher dans l'outil de recherche Alliance Santé Québec, on va trouver le site officiel. Eux, ils ont des médias sociaux. J'ai vu plusieurs personnes d'ailleurs qui faisaient du tweet au fil de la journée, donc on peut trouver aussi quelques indices sur les différents projets. Pour ce qui est de la clinique mobile, eh ben là, il y a un site internet dédié, c'est on cherchera tout simplement Grand Défi Entreprise et on va trouver cette clinique-là. Ce qu'il faut dire, c'est que l'Alliance Santé Québec est un peu à l'an 1, si on peut dire, de ses travaux, dans la mesure où il y a aussi l'optique de vraiment essayer de voir de quelle manière aussi animer les forces vives de la santé, mobiliser les forces vives et dans un sens plus large, mobiliser la population. Alors, eux ont lancé des grands chantiers. Donc, dans l'idée d'aller réfléchir justement aux manières par lesquelles on peut mobiliser et amener les citoyens à participer dans des initiatives en lien avec la recherche. Donc, est-ce que suffisamment de liens si on dit qu'on met le patient en plein cœur des initiatives? Mais évidemment, faut aussi stimuler le patient à participer à ces initiatives-là. Donc, de quelle manière on peut aller rejoindre les gens dans cette perspective-là? De quelle manière, dans un chantier de mobilisation scientifique, on peut, d'un côté, évidemment, susciter le plus d'adhésion possible au sein de ces 6000 chercheurs et plus, évidemment, parce qu'il y a d'autres domaines qui sont interpellés. Mm-hmm. Et en parallèle, mais de quelle manière aussi on peut stimuler des innovations, des partenariats, donc développer des projets. Accélération, innovation, donc développer des vitrines technologiques, ça, c'est leur troisième grand chantier. Donc, et le dernier, c'est un peu une idée d'entrepreneuriat ou d'intrapreneuriat et de chaîne de formation. Donc, l'idée de sensibiliser les gens au fait qu'on peut tous, tous ceux qui agissent dans le milieu de la santé ont un pouvoir de création face à ce milieu-là, et sans nécessairement dire « je lance une entreprise », mais on peut quand même lancer une innovation, on peut faire des changements à petite échelle comme à très grande échelle, et que ces changements-là ont aussi tout leur impact. Donc, c'est différents objectifs, différents chantiers qui sont mis en place. Il y a eu des rencontres, dans certains cas, il y a eu quelques rencontres, dans certains cas de certains chantiers, il y en a d'autres qui ont eu des rencontres uniques, si on peut dire, avant ce rendez-vous d'aujourd'hui. Et donc, nécessairement, on peut s'imaginer qu'au fil de l'année, on devrait continuer de plus en plus aussi à entendre parler de ce regroupement-là, qui peut-être aura un bel impact pour la région. Ce qu'on nous disait au fil de l'événement, c'est que ça avait déjà un impact pour les acteurs du milieu, dans la mesure où il y avait un esprit de collaboration qui était déjà installé, donc toujours dans l'esprit de mettre à bas les silos, de favoriser la participation entre organismes déjà, et que seulement là-dessus, si ce n'était de là-dessus, c'est déjà un succès pour eux. Eh bien, on compte sur toi pour assurer le suivi sur ces dossiers, Raymond. Oui. Merci beaucoup, Raymond Poirier. Ça fait plaisir.